Bonjour, on a réservé une chambre. Oui, adressez-vous au réceptionniste à l'accueil, dans le hall sur votre gauche. Bonjour monsieur, nous avons réservé une chambre pour deux au nom de Kermenier, par internet. Oui, vous avez votre numéro de réservation, s'il vous plaît ? Oui, attendez, il faut que je trouve le papier. Georgette, est-ce que t'as le papier de réservation ? Ben non, c'est toi qui l'as pris dans ton portefeuille. Mais non, je te l'ai donné tout à l'heure à la maison. Tu l'as mis dans ton sac. Ah bon ? Ah oui, pardon, le voilà. Ouais. Donc, le numéro de réservation, c'est le 200-119-12-KER. Ah oui ! Monsieur et Madame Kermenier, deux nuits en chambre double avec baignoire, et vue sur mer, ce soir et demain. Ouais, c'est ça.